Chapitre 4e, le Wadi, domaine de la compagnie dans le désert, le château de Tel el-Kébir. Nous venons de franchir la limite d'un domaine appartenant à la compagnie. C'est une propriété qui ne comprend pas moins de 10 000 hectares. Liée aux terres cultivées de la basse Égypte, elle s'avance entre deux zones de sable comme une presqu'île verdoyante au milieu des ondes jaunâtres de l'océan. Le désert la presse au nord, à l'est et au midi. Elle est située à l'entrée de la vallée de Jassan, dont la fécondité est célébrée dans la Bible. C'est donc entre ces terres très fertiles et très bien cultivées que notre embarcation glisse avec vitesse. Le vent qui enfle notre voile épargne à notre attelage les efforts et la fatigue ordinaire de la remorque. Le cotonnier à tige basse couvre de vastes espaces et répand sa nappe de neige sur le noir limon du Nil. Le blé, l'orge alternent avec les champs de coton. Le sésame et le riz ont leur place marquée dans ce damier qui couvre la terre de cases de toutes couleurs. Le maïs agite ses épis jaunes au-dessus d'un tapis mobile de longues et minces feuilles. Çà et là, des groupes de dattiers se découpent sur l'azur d'un ciel inaltérable. Cependant, la journée s'avance. Déjà, le soleil a la moitié de son disque au-dessous de l'horizon. Encore un peu de temps, et nous sommes menacés d'une obscurité complète. Mais notre étape s'achève. Voici le pont mobile qui signale l'établissement principal de la compagnie, l'habitation du régisseur, le château de Tel el-Kébir, comme on l'appelle. Nous débarquons et nous suivons un chemin bordé d'un côté par des champs en plein rapport et de l'autre par le mur d'un jardin que couronne la haute verdure des palmiers. À travers ce rideau, on aperçoit la façade d'un édifice. C'est le château, une maison solide et de bonne apparence, bâtie en 1823 par Mehmet Ali et comprenant un rez-de-chaussée et un premier étage avec terrasse et balcon couverts. Nous y montons à temps pour jouir d'un magnifique spectacle. Le soleil, qu'il faut toujours citer ici parce que sa splendeur est sans égale, disparaît derrière des montagnes situées sur les bords de la mer Rouge. Il enflamme ces rochers et leur donne l'aspect d'un volcan. En face, un horizon tout entier de verdure, les cultures les plus riches et les plus abondantes. À droite, le désert qui semble joindre le ciel et que l'obscurité croissante remplit de mystères. Enfin, sous nos pieds, le jardin du château, ce jardin que nous avions seulement pressenti en côtoyant la clôture, mais qui nous apparaît maintenant, avec tous ses panaches de feuilles, comme cet Éden où le premier homme fait victime des artifices du serpent et de la curiosité de la femme. Depuis lors, j'ai vu, particulièrement à Damiette, des enclos parés de la végétation orientale, si riche, si différente de la nôtre. J'ai vu au Caire les jardins de Choubra, avec leur profusion de fleurs les plus rares, avec leurs bains de marbre et leurs kiosques au treillage doré, où serpentent des plantes grimpantes d'une si suave odeur. J'y ai vu l'élégance et le goût unis au luxe. Ils m'ont donné un aperçu de la vie intime des princes et des riches particuliers en Orient. Mais ni la verdure de Damiette, ni les splendides jardins du Caire ne m'ont causé l'émotion que j'ai ressentie quand je regardais du haut du balcon de Tel el-Kébir cette plantation, bien modeste, qui s'appelle le jardin du château. Cette émotion eût été motivée par le tableau de paix, d'abondance et de contentement que j'avais sous les yeux. À plus forte raison, eût-elle été justement suscitée par la prévision de grandeur future et de prospérité pour l'Égypte, dont les éléments sont réunis par la compagnie dans ce domaine, le patronage des héritiers de Mehmet Ali. Mais non, un motif plus personnel m'attachait à ce petit jardin, me le faisait considérer avec affection et regret, à la seule pensée de le quitter bientôt, c'était le voisinage du désert où nous allions entrer. L'inconnu a des charmes pour les esprits aventureux, et le désert est, dit-on, le séjour favori de ceux qui recherchent l'indépendance absolue. Les hasards d'une existence où l'on n'a d'autre sauvegarde que sa propre énergie, ont, je le comprends, un attrait tout particulier, l'attrait du danger et de l'imprévu. Mais ces jouissances sont nécessairement achetées par le sacrifice du bien-être. Elles sont d'ailleurs toutes physiques. Elles exigent une santé très robuste, une force corporelle très grande. Tout dépend en effet de cette force qui tient lieu de protection légale, mais qui n'est pas toujours suffisante, comme la loi, pour assurer le triomphe du bon droit. Quant à moi, je préfère à l'inconnu ce que je connais bien. L'ordre et la règle me conviennent mieux que le hasard et l'irrégularité, ce qui fait qu'au désert je ne me sens pas plus indépendant qu'ailleurs. Au contraire, j'y sens que mon esprit dépend de mon corps, lequel est assez mal à l'aise. Nous partons de grand matin pour arriver vers 11 heures à Ramsès où nous devons stationner. L'ordre un peu solennel du premier jour de notre navigation cesse dès ce moment d'être observé. Le vent du désert souffle sans doute déjà des idées d'indépendance. Chacun appareille à son gré sans attendre sa seigneurie, qui, ayant couché dans un fort bon lit, ne pourra sans doute en sortir avec la prestesse que nous avions mise à quitter le divan où nous avions reposé tout habillés. Le vent est favorable. Nos deux chameaux trottent sur la berge à la hauteur de notre embarcation sans prendre la remorque. Notre marche est rapide. Les terres passent devant nous et se succèdent. Mais le paysage change graduellement d'aspect. La zone de terre incultivée se resserre. Le désert l'envahit et la presse. Elle ne forme bientôt plus qu'une bande étroite de verdure. Enfin, elle disparaît. Les sables l'ont étouffée. Alors commence cette région de vallées sans eau, de dunes sèches, de plaines stériles, où l'œil cherche vainement un arbre, une plante, une tige d'herbe. Aussi loin que la vue peut s'étendre, on n'aperçoit rien que cette succession de vallées, de dunes et de plaines, couvertes d'une épaisse couche de sable d'un jaune brun, une espèce de poussière de briques où les chaussures européennes enfoncent à chaque pas, de manière à rendre la marche excessivement pénible et fatigante. La solitude dans ces terres désolées est effrayante, surtout parce que leur physionomie uniforme ne donne aux voyageurs étrangers aucune indication du chemin à suivre. Privé de boussole, un piéton peut errer des semaines entières dans le désert en tournant sur lui-même et presque sans changer de place. Mais traverser cette région en suivant le cours d'une eau vive et saine qui vous conduit sûrement à destination. Contempler sans fatigue cette scène qui se déroule à mesure que l'embarcation avance et qui certes n'est pas sans grandeur. C'est pour un touriste une tentation fort naturelle. De tels tableaux suffiraient pour motiver un voyage dans l'isthme. Toutefois, l'empire du désert n'est plus incontesté sur les bords du canal, même au-delà du domaine acheté par la compagnie. Une partie de ces terres est déjà rendue aux soins de la culture. Çà et là, nous voyons se projeter la silhouette d'un homme debout sur les bords du canal. De loin, on le prendrait pour une statue gigantesque, survivant dans sa masse et son immobilité à la destruction générale des villes et des monuments anciens de la vallée de Jessen. En approchant, on reconnaît un bédouin à la haute stature qui élève et abaisse dans le canal cette machine primitive dont les Égyptiens se servent pour l'irrigation et qu'on appelle chadouf. Des rigoles creusées dans le sable portent à distance l'eau que leur verse le chadouf. Avant peu, de nouvelles oasis seront formées dans la mer de sable et de nouveaux progrès auront été faits dans la transformation de ce pays. Les Bédouins ont spontanément sollicité et obtenu des fermages. C'est un témoignage éclatant de l'équité qui règle tous les actes de la compagnie. On reconnaît en effet dans les allures, les traits et les regards de ces hommes une race fière et libre. C'est l'impression que nous avions éprouvée à la vue des cultivateurs disséminés sur les bords du canal, dans la partie déserte où ils se sont fixés de préférence. Ce sentiment fut confirmé par la présence d'une députation de ces cultivateurs qui vinrent à Ramsès rendre hommage à M. de Lesseps. Il y avait là plusieurs hommes de la plus belle et de la plus noble figure. La dignité de leur maintien, l'aisance de leur manière, leur attitude respectueuse sans doute, mais exempte de servilité, frappa tout le monde.